Quand on s'est rencontrés dans un métro bondé, comme tu me semblais très lasse, je t'ai laissé ma place. Quand je me suis levé pour te laisser passer, il y a eu un grand coup de frein et j'ai heurté tes seins. Alors tu as rougi et d'une main vengeresse, tu me l'aplatis d'une façon perverse. Messieurs, quand vous tombez ou que vous trébuchez, gardez les mains en poche ou c'est une grosse taloche. Pour me faire pardonner, j'ai voulu t'inviter boire un petit café, mais tu as refusé. Alors j'ai pris ton bras pour te raccompagner, tu t'es mise à crier, mais lâchez-moi. Alors tu as rougi et d'une main vengeresse, tu me l'aplatis d'une façon perverse. Messieurs, la galanterie ne paye plus aujourd'hui, gardez vos bonnes manières, ça ne marche plus pour plaire. Me faire pardonner, je me suis approché, mais tu m'as rejeté, alors je suis tombé. Pour me relever, c'est bête, j'ai relevé ma tête, j'ai dû faire une fausse note, j'ai vu ta petite culotte. Alors tu as rougi et d'une main vengeresse, tu me l'aplatis d'une façon perverse. Messieurs, ne croyez pas qu'une belle demoiselle est douce comme une gazelle, non, n'y pensez pas. Pour me faire pardonner de mes actions passées, je t'ai dit ne bouge pas, je vais t'acheter des lilas. T'as voulu t'échapper et moi comme une andouille, j'ai voulu te rattraper, mais voilà, tu m'as tapé les coups. Alors moi j'ai pâli et garni de tendresse, je me suis aplati par terre sur les fesses. Messieurs, si vous voulez encore persévérer, vous pouvez dire adieu à vos objets précieux. Le lendemain matin, j'ai été chez le médecin. Vous devinez pourquoi, je n'avais pas trop le choix. Lorsque je suis entré, j'ai été pétrifié car je t'ai reconnu, je suis perdu. Alors tu as rougi et d'une main vengeresse, tu me l'aplatis d'une façon perverse. Mesdames, ayez pitié d'un pauvre homme ruiné qui cherche son âme seule dans une jolie fleur.